Non, et celle-là, tu la connais? Mais juste le début. Après, je me barre. Après, je me barre. Little darling, insane. Little darling, Rando. Mais surtout gagner.